nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment devient-on fou ou psychopathe ? On est obligé, disait l'un des intervenants de la Tribune de Paris, diffusée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de reconnaître que nous ne sommes pas tous des malades mentaux. Bon, mais tout le monde peut devenir un malade mental, affirmait un autre intervenant. Mélancolique, nerveux, aliéné, fou, le vocabulaire évoluait. Ainsi, il n'y a plus d'asile d'aliénés, cela s'appelle désormais hôpital psychiatrique. Cela allait-il suffire à régler les problèmes ? Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 22 novembre 1946. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Comment se pose aujourd'hui, comment est résolu en France le problème des malades mentaux ? C'est la question que nous posons ce soir à quelques éminentes personnalités médicales. Nous avons réuni dans notre studio le docteur Lucien Bonafé, médecin des hôpitaux psychiatriques, chargé de mission au ministère de la Santé publique. Le docteur Georges Daumaison, secrétaire général du syndicat des hôpitaux psychiatriques. Le docteur Georges Hier, médecin-chef de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. Le docteur Louis Le Guillon, médecin des hôpitaux psychiatriques, conseiller technique au ministère de la Santé publique. Et le docteur Georges Parcheminet, chargé de l'enseignement de la psychanalyse à la clinique des maladies mentales. Paul Guimard va mener le débat. Eh bien, messieurs, notre première question, si vous le voulez bien, sera la suivante. Pourquoi cet intérêt subit du grand public pour les malades mentaux en général et les fous en particulier ? Docteur Daumaison. Eh bien, effectivement, toutes les fois que nous allons dans une collectivité quelconque, dans un milieu quelconque, et que le psychiatre paraît, une question lui est posée. Certainement, docteur, étant donné les événements que nous vivons, étant donné ceux surtout que nous avons vécu, le nombre des malades a dû augmenter dans des proportions considérables. Oui, je crois que c'est une question qu'on se pose communément. Et en fait, il n'en est rien. Le nombre des malades mentaux hospitalisés a diminué dans des proportions considérables pendant toute la période d'hostilité. Il y a à cela deux raisons. L'une, c'est que de très nombreux malades sont morts de faim, et je pense que nous y reviendrons au cours de ce débat ultérieurement, l'un ou l'autre d'entre nous devra signaler la misère de nos malades pendant cette période. Mais il y a un autre fait très important et très intéressant, c'est que pas mal de sujets qui, en temps ordinaire, semble-t-il, seraient devenus des malades mentaux et auraient été internés en temps ordinaire, n'ont pas été internés pendant la guerre. Par conséquent, cela ne signifie pas que le problème soit moins grave que par le passé. Oh non, certainement, parce qu'en dehors de cela, il y a des quantités de sujets qui ont en quelque sorte préparé, qui ont mûri leur psychose pendant la guerre, psychose qui éclora par la suite. Et toutes nos statistiques prouvent, et je pense que le docteur Hier va vous l'indiquer dans un instant, que le nombre des admissions qui a diminué d'une façon considérable pendant la guerre, il y avait par exemple trois fois moins d'admissions, je crois, dans les asiles de la Seine pendant les années 42 ou 43 que précédemment, le nombre de ces admissions est remonté en flèche depuis la fin des hostilités. Docteur Hier. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le rôle important de la diminution de l'alcoolisme. Le nombre des maladies mentales a diminué dans les proportions suivantes. En 1938, il y avait 36 000 malades internés dans les hôpitaux psychiatriques et en 1942, 43, 44, il n'y en a plus que 18 000. En même temps, il y avait 6 000 malades qui y étaient internés pour des psychoses alcooliques et dans les mêmes années 42, 43, 44, il n'y avait plus que 900. Il y a là un parallélisme extrêmement important à établir qui montre le rôle de l'alcoolisme, non seulement dans les psychoses alcooliques, mais aussi dans les réactions graves des autres maladies mentales. Voilà un point qui est certainement très important. L'autre point qui explique que la diminution du nombre des malades mentaux, c'est que tout de même maintenant, on guérit des maladies mentales, et en particulier, au cours de ces dernières années, depuis qu'on a l'électrochoc, beaucoup de malades ne sont plus internés, restent dans des hôpitaux ou dans des services libres, sans être internés. Et ces deux questions, ces deux faits, expliquent la diminution du nombre des maladies mentales. Pour moi, qui vois de tels faits à travers l'optique particulière de la province, où certaines causes d'erreur parisiennes sont éliminées... C'est le docteur Daumaison qui parle. Je pense qu'il ne faut pas grossir considérablement l'importance de la diminution de l'alcoolisme dans les causes de la diminution du nombre des maladies mentales actuellement pendant la guerre. Dans un établissement provincial que je connais bien, nous avions avant-guerre 40 alcooliques qui entraient par an. Nous n'en avions plus pendant les années de guerre où la disette était maxima, nous n'en avions plus que 4 ou 5. Cela faisait donc un déficit de 45. Mais notre déficit d'entrée était de l'ordre de 150 par rapport aux années précédentes. Et les 100 autres relevaient certainement d'une autre cause de diminution de psychopathie. Écoutez, voulez-vous permettre au docteur Parcheminet de prendre la parole un instant, je vous en prie? Je voulais dire une chose d'ordre assez paradoxal en apparence, à savoir, souvent on vous pose la question, vous avez vu depuis la guerre des quantités de malades mentaux, plus exactement pour nous autres psychanalystes, de nerveux. Eh bien, ce que nous voyons surtout, ce que sont des nerveux qui momentanément, ont été guéris au moment des gros traumatismes, et en particulier durant l'exode, qui a consisté en un véritable drainage de toutes les activités instinctives de l'être vers les buts immédiats de la conservation de la vie, nous avons vu disparaître des quantités de symptômes, de phobies, d'obsessions, en somme de tout ce que nous traitons théoriquement et de façon générale dans nos méthodes psychanalytiques. Vous pensez qu'il y a eu des chocs salutaires? Oui, ceci en apparence, parce qu'en réalité, cette guérison n'a été que momentanée et n'atteint pas du tout la structure profonde qui est à la base de l'origine de la névrose. Quoi qu'il en soit, messieurs, il semble, d'après ce que vous venez de nous dire, que les maladies mentales sont en France en régression. Les maladies mentales, entendons-nous, le nombre des aliénés internés, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tous les troubles mentaux soient en régression. Je crois qu'au contraire, le nombre des petits déséquilibres, de ce qu'on appelle les petits mentaux ou les troubles nerveux, qui résultent des traumatismes psychiques, qui résultent de la guerre, qui résultent de l'occupation, qui résultent de la séparation, de la dissociation des milieux familiaux, qui résultent de l'emprisonnement, de l'incarcération, qui résultent de tous ces traumatismes psychiques. Là, au contraire, on a un nombre considérable de ces petits déséquilibres qui sont graves, car ils peuvent être l'origine de troubles mentaux qui apparaîtront ultérieurement. Mais précisément, il était important que la distinction fût faite. Il y a moins d'aliénés, mais il y a autant, sinon davantage, de malades mentaux. Exactement. Et en outre, il y aura bientôt autant d'aliénés. Parce que dès maintenant, le nombre des malades entrants atteint presque les chiffres d'avant-guerre et peut-être même le dépassera. L'histoire, après toutes les guerres, nous indique qu'au cours des périodes de convulsion, quelles qu'elles soient, le nombre des malades internés diminue, mais augmente ensuite. Par conséquent, on peut dire que le problème est toujours aussi important et aussi urgent. Docteur Le Guillon. D'ailleurs, il y a un domaine où cet accroissement, non pas des maladies mentales à proprement parler, au sens étroit du mot, mais des petits désordres de l'esprit, ou du caractère, ou de l'adaptation à la vie sociale, s'est considérablement accru, c'est l'enfance. Il est certain que le nombre des désadaptations sociales de l'enfance, qu'il s'agisse de désadaptations à l'école, dans la famille, ou d'une manifestation très apparente comme la délinquance, s'est considérablement accru, puisque par exemple la délinquance des mineurs est passée de 1 à 4. Je dois dire d'ailleurs que, bien que Daumaison, je pensais qu'il vous l'aurait dit tout à l'heure, il reste tout de même une chose à signaler, c'est que le problème des maladies mentales est un problème national considérable. On entend partout parler de la prophylaxie et de l'assistance aux tuberculeux, de la prophylaxie et de l'assistance à telle ou telle maladie. Nous n'en disconvenons pas, ce sont là des efforts et des problèmes extrêmement importants. Mais on sait généralement mal que la psychiatrie, que les maladies mentales constituaient un secteur privilégié, au moins par sa quantité, en ce sens qu'il y avait avant la guerre 120 000 malades internés dans les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire presque deux fois plus qu'il n'y avait de malades dans les sanatoria. 38% des lits d'hospitalisation. 38%. Et des statistiques américaines prouvent qu'en Amérique, et en France il en est vraisemblablement de même, la maladie qui entraîne le plus de pertes de journées de travail, ce sont les maladies mentales. Bien, par conséquent, si l'on admet que le problème est grave, une question vient à l'esprit immédiatement, que fait-on? Autrement dit, est-ce qu'on prend le problème par le bon bout? Docteur Daumaison. Je crois que pour l'instant, on prend le problème d'une façon assez étroite. Il faut, pour se rendre compte de toute cette question, d'abord se faire une idée de la naissance des conditions d'apparition du trouble mental. comment devient-on fou? Ou comment devient-on simplement psychopathe ou présente-t-on un désordre mental quelconque? Oui. D'abord, il semble que n'importe quel sujet ne présente pas un trouble mental. On est obligé d'admettre que la plupart de nos sujets, ou du moins un très grand nombre, présentent une hérédité particulière. C'est ça, nous ne sommes pas tous des malades mentaux. Certes non, sans aucun doute, sans aucun doute. Mais nos malades mentaux sont des hommes. Oui, bien entendu. Par contre. Mais tout le monde peut devenir un malade mental. Bigre. Certes, mais il semble que quand nous faisons des statistiques, le plus grand nombre de nos malades, ou en tout cas un nombre assez important, présente des antécédents familiaux qui déjà l'orientent vers certaines réactions psychopathiques. En outre, ces sujets-là ont la double infortune d'avoir des parents présentant certains désordres, mais des parents qui les élèvent, si bien que le développement même de leur personnalité se fait en préparant les troubles mentaux qu'un jour ils présenteront peut-être. Il y a non seulement l'hérédité, mais il y a, mais il y a aussi le milieu, il y a l'éducation, il y a l'édification de la personnalité de ces sujets, et sans aucun doute, dans un instant, notre confrère, le docteur Parcheminet, à la lumière des données psychanalytiques qui ont complètement bouleversé la façon dont on envisageait précédemment ces problèmes, pourra vous donner quelques éclaircissements à ce sujet. Et puis finalement, lorsque la personnalité d'un sujet naît à la fois des données de son hérédité, personnalité qui s'est façonnée à travers la vie qu'il a menée jusque-là. Lorsque cette personnalité s'est préparée à présenter éventuellement des troubles mentaux, il y a toutes sortes de causes, des causes très diverses, des causes sociales, des causes affectives, et surtout, évidemment, au premier rang, des causes maladives, des maladies diverses qui déclenchent le trouble mental. Et à ce moment-là, comme un mécanisme en quelque sorte préformé et préparé, le trouble mental va évoluer. Cela nous trace immédiatement quelles sont les tâches essentielles que nous devons nous proposer. Éviter autant que possible les naissances de sujets présentant toutes ces prédispositions. Bien entendu. C'est une tâche extrêmement délicate, oui. Si l'on veut concilier à la fois la liberté individuelle et la valeur humaine et aussi l'intérêt social. Mais éviter plus encore l'organisation de ces maladies mentales, de ces personnalités psychopathiques. Et puis enfin, guérir le trouble mental déclenchant, ce qui est une tâche proprement médicale. Et sur cette tâche proprement médicale, qu'y a-t-il à dire? Parce qu'enfin, d'une manière générale, dans le grand public, on comprend mal que le fait de mettre un fou dans un asile soit de nature à le guérir. Enfin, on conçoit mal que le fait de retirer un fou de la société soit une mesure suffisante. Oui, docteur Heuer. Ce sont des formules tout à fait périmées, celles-là. Il ne s'agit plus de mettre les fous dans les asiles. Dans tous les asiles. Les asiles, d'abord, il n'y a plus d'asile d'aliénés, il faut bien comprendre ça. Ça s'appelle hôpitaux psychiatriques. Cela veut dire que l'on soigne les malades dans les hôpitaux psychiatriques comme on les soigne dans les hôpitaux ordinaires. Et on soigne les malades mentaux, on les soigne, on les guérit. Depuis 30 ans, la psychiatrie a subi une véritable révolution thérapeutique. Des malades qu'on considérait autrefois comme des démons définitifs, comme les paralytiques généraux, sont guéris. Des mélancoliques qui mettaient 6 mois, 8 mois à guérir, sont guéris maintenant en 6 semaines, etc., etc. Nous avons maintenant un arsenal thérapeutique en psychiatrie qui permet de guérir les malades. N'est-ce pas? Et ils peuvent être guéris dans les hôpitaux psychiatriques, mais ils sont guéris aussi dans des hôpitaux ordinaires, dans les services libres des hôpitaux psychiatriques, services libres des hôpitaux ordinaires. Et ils sont guéris complètement, ils sont traités comme les malades, comme les malades généraux. D'ailleurs, nous bénéficions en psychiatrie des progrès de la médecine générale, des pénicillines, de la pénicilline, des sulfamides, etc. Le docteur Bonafé, le docteur Domaison, le docteur Heuer, le docteur Le Guillan et le docteur Parcheminet ont exposé et discuté la situation actuelle des malades mentaux. Thank you. Ce débat de la Tribune de Paris, mené par Paul Guimard, a été diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 22 novembre 1946. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».